Ah oui, nous, on est une compagnie qui s'appelle Cheveux en Folie. Ouais. Oui, Et vraiment. on a des savons Ouais. pour le corps, pour enlever toutes les poils, mais des parties. Bon, c'est sûr, mais ça chauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a dû faire mettre des gros calculs, Ouais, hein, ça des fait un petit peu divisés. de bouton, mais après 1 an ou 1 milliard d'années, ça va aller. Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Oh que oui! Bonjour à la maison, bonjour Bonjour tout Guillaume. le monde, bonjour Maxime! Hey, sais-tu, moi là, février, ça vient me chercher parce que l'hiver finit. Enfin, crime, mon Dieu. Hey, j'espère, ça finit. On dirait qu'on voit plus le bout. Hey, pour vrai, et à un moment donné, je me dis, bon, ok, là, c'est assez. Il reneige un autre 20 cm. What ouais, the c'est fuck? Complètement horrible. Puis le pire là-dedans, c'est les températures variables. Là. Je veux dire, en fin de semaine, on a du moins 2, plus 4. Mais cette semaine, on a eu du moins 20, du moins 15. Oui, mais de ce que j'ai c'est vu, drôle. Là, ça a l'air de s'adoucir assez de manière permanente. Ben, je souhaite bien gros. Il reste toujours la Saint Patrick's pour nous. Malheureusement, mais c'est sûr que normalement, une tempête ne fait pas trop froid. Fait que au moins s'il peut faire chaud, moi je vais être content. Ce qui est là, cool en fin de semaine, c'est qu'en plus de faire chaud, il fait beau. Il fait soleil à la mort. Ben oui, pis... soleil plus température chaude, bikini. Bikini. C'est je n'ai vu des bikinis cette semaine. Ben, là, parlant de incroyable. Bikini, justement, c'était la semaine de l'amour. Hein, car mardi dernier, ben, là vous nous écoutez, ça fait déjà 8 jours. Là, mais mardi dernier, c'était la Saint-Valentin. Et on n'a pas vraiment effleuré le sujet lors non, du dernier tir à l'année des pins. Parce que finalement, on a fait une game de haricots qui terminait plus. C'était interminable. Là, le segment qu'on vous a présenté, la game de haricots devait durer à peu près quoi 20 minutes. Mais en réalité, la game heure, a duré. Puis on avait fait juste un tiers du paquet. Ah oui, c'était complètement ridicule, mais c'était quand même super plaisant. Si vous avez aimé ça, procurez-vous-le. Là, on a mis les liens sur la page Facebook. Ben oui, parce que Maxime est rendu, qu'il met ses liens, il fait sa job de. Donc, vous n'aurez qu'à suivre ce lien. Médias sociaux, ben oui. Ben oui. Et, éventuellement, je vais le faire, ça aussi. Cool. Ça s'en vient. Saint-Valentin, Maxime. Ben oui, Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu as fait pour cette fête de l'amour? Est-ce que tu commémores ça? D'abord, moi, j'ai vu. J'écoutais le Doc Mayou et José. Hey, moi, je suis pas capable d'écouter cette émission-là. Je vais faire une petite parenthèse. Ouais, vas-y. La radio de Québec, on en a parlé déjà un peu. On est d'accord que ça reste sensiblement de la radio poubelle. Ben oui. Puis il y a une raison pour laquelle ça s'appelle de même. T'sais, l'actualité sans compromis, prenez ça avec un grain de sel. Là. Ah oui, tout à fait. Mais, parlant de ça, t'as-tu vu comment est-ce qu'il y a full de pancartes de boulevard oui. depuis une semaine? C'est complètement Mon calme. Dieu, ils dépensent beaucoup d'argent pour un poste de radio. Ben, un poste de radio, mais je veux dire, c'est parce qu'en quelque part, il y a une guerre de code d'écoute qui est assez importante. Puis, ils sont tous numéro un à une heure différente. Ben oui, exactement. Puis ils essayent de dépasser un autre, puis ça passe souvent par la publicité, mais c'est parce que c'est tough. Des voisins gonflables, de c'est ben épouvantable. Oui. Mais bref, là, je vais fermer cette première parenthèse sur la publicité. Deuxième parenthèse que j'avais commencé, ouais. C'était sur le Doc Mayou, puis oui, José Arsenault. C'est la pire émission ben de oui, c'est complètement canon, là. Moi, j'ai... Pour vrai, là, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir de la misère avec tel animateur, mettons Jeff Fillion, et c'est de la merde ce qu'il dit là, tu sais, je veux dire, il voit n'importe quoi, il crée de la controverse avec. Ben oui. Sylvain Bouchard, il exagère beaucoup de choses. Ben oui. Même Gilles Parent, même s'il est bien laid back, il y a du monde qui l'aime pas ben non oui. plus. Exactement. Mais José et Doc Mayou, on dirait qu'ils ont la vérité infuse, puis c'est tout le temps des affaires de colons, de ben oui, ça a aucun telle bon personne sens. A des problèmes. Ah oui, moi là, si le monde avait des fusils, je serais bien mieux au Québec. Là, le monde devrait avoir des fusils. Le problème, c'est que c'est une grosse ligne ouverte bidon qui sert juste à alimenter les fantasmes sexuels d'un homme qui, en fin de compte, ne devrait même plus pratiquer son métier. C'est ça qui est complètement. Mais non, c'est ça qui est complètement c'est une personne calme. Qui a vraiment des Je veux pas le juger, là. Je peux pas y poser un diagnostic, mais non, cette non, personne-là mais... a un problème profond d'ego ou de dégoût de certaines personnes. Ben, c'est parce c'est qu'en tant que tel, à dire, là, j'ai mais... l'impression qu'il fait ses commentaires puis qu'il agit comme si il était une personne modèle ou si une personne modèle existait dans 90% des cas puis qu'il y a juste un 10% des auditeurs en tant que tel qui, eux autres, ont des énormes problèmes et que ils devraient réussir à se référer à l'échantillon témoin qui est, lui, un être modèle, comme le Doc Mayhew, ce qui est, en tout cas, moi, ce qui est un petit peu c'est pas envisageable tant qu'à moi. Non. C'est pas envisageable, pas en tout. Pas du tout. Je pogne toujours un 10-15 minutes de fin d'émission parce que quand j'embarque dans mon auto, faut que je voyage à mort, ça n'a pas de bon sens, je suis brûlé à mort parce que moi je pars de l'école, de ma première école vers moins 20, moins quart, fait que le temps de me rendre à l'autre école, je pogne les 10 dernières minutes, 10-15 minutes oui. De Doc Mayhew et José. Puis pourquoi je parlais du Doc Mayhew et José, moi? Ben, tu me demandais si je commémorais la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Puis oui. Doc Mayhew et José, écoutez pas ça, là, c'est vraiment épouvantable. Moi, ça me fâche. Moi, je l'écoute 5 minutes, ça me fâche. Puis il demandait cette semaine, est-ce que c'est important pour vous la Saint-Valentin? Puis il y avait plein d'auditrices puis d'auditeurs qui parlaient, qui appelaient puis qui disaient, oh moi si mon chum là, il me donne un cadeau de la Saint-Valentin ou ben des fleurs là, je vais être en tabarnak, je vais être fâché. Ou ben un autre qui appelait puis il disait, oh ben moi il faut absolument qu'il souligne ça. J'avais, Colin, c'est une fête comme un autre puis libre à toi de la commémorer ou pas. Là. Exactement, je veux dire, il devrait pas avoir un tabou. C'est comme le tabou, c'est le conformisme. À cette heure, ben si oui. Tu te conformes, t'es cave. Ben oui. Mais je veux dire, crime. Il y a une journée dans l'année qui est spécifiquement pour l'amour. On peut-tu la prendre? Puis, ben non, on va l'utiliser, puis on va utiliser cette occasion-là pour chialer encore plus. Voilà. Tu sais, tu caves, c'est supposé être le contraire. Pour ma part, je suis un peu d'accord avec cet anticonformisme-là jusqu'à un certain point, parce que je me dis... si tu dois te fier sur une journée pour démontrer ton amour à quelqu'un, il y a un certain problème. Mais si tu profites de cette occasion-là pour démontrer ton amour comme tu le fais habituellement, ben, il n'y a aucun problème. Ben, c'est ça, c'est une opportunité, c'est pas un devoir. C'est exactement. C'est exactement ça. Fait que moi je... Fait que je l'ai fêté à Saint-Valentin, en fait. Ben, moi aussi. Cathy travaille jusqu'à 18h le soir, puis moi, je finissais un peu plus tôt. Je suis arrivé à la maison, puis crime, je vais faire pas vraiment une parenthèse, ça fait partie de l'histoire. On fait notre épicerie la fin de semaine. Mais depuis que Cathy est de retour au travail, ben là, ben c'est plus Cathy qui fait l'épicerie pendant que moi je travaille. Fait que là, je recommence à faire l'épicerie. Puis là, on va à l'épicerie, on achète des affaires. Puis là, Cathy, elle passe la semaine à aller manger au resto. Hey. Fait que là, on n'utilise pas ce qu'on achète. Ben, parce que c'est plus simple. Là. C'est moins. Ouais, effectivement. Mais c'est parce que c'est comme beaucoup plus cher. Là. Ben oui, aussi. Là. Mais fait que bref, vu que je suis arrivé plus tôt, j'en ai profité pour faire de la bouffe. Fait que qu'est-ce qu'on avait? Fait que pour la Saint-Valentin, c'était des croquettes de faux poulet avec des frites. Et de la salade de choux maison. Mais c'est quand même fucking romantique malgré tout. Là. Ben malgré tout, mais tu sais, je veux dire, c'est un repas d'écolier. Là, ben c'est un repas d'écolier, mais en même temps, je veux dire, t'as pris la peine de faire ça pour elle. Là, ben oui, puis en plus, j'avais acheté un Porto. Hein? T'avais acheté un Porto? Hein, croquette de poulet Porto, moi. Encore mes 20, là. J'ai pas été accepté à la SAC. La SAC. On se demandera pas pourquoi. Mais imagine-tu si, tu sais, il y a sur le 4 bourgeois... qu'il est le Valentine à porter votre vin. S'il y avait un McDonald's à porter votre vin, ce serait fou comme la mort. Et moi, là, j'aimerais vraiment ça y aller avec une grosse labatte 50 ce Valentine-là. Ce serait tellement malade. On devrait se faire une descente avec vous autres. Il y a 17 Avenue des Pins live au Valentine avec une grosse 50. Avec une grosse labatte 50. Hey, ce serait fucking drôle. Hein? Hey, ce serait tellement ça serait drôle. Genre, on se ramasse une gang, moins 30 personnes. Tout habillé en complet, là. Tout en complet. On arrive là avec nos grosses quilles. Ben oui! on prend toute une poutine. Hot dog. Moi, quand je vais au Valentine, d'habitude, je prends hot dog frites sauce. Ouais? Ouais. Quand je vais au Valentine, ben, j'y vais plus, là. Mais quand j'y allais à l'époque, c'était souvent la poutine italienne là, que je prenais. Ouais. Je trouvais ça cool. Je trouvais que la sauce était particulièrement bonne. Ouais, pour ben, la poutine italienne. C'est un bon casse-croûte, Valentine, malgré tout. Puis ça, c'était le 14. Le 15, j'étais encore une fois... Tu fais ça deux fois! Plutôt à la maison. Ouais, tu fais de l'anticonformisme. Mais, c'est bien parce que tu fêtes la Saint-Valentin et ton amour... plus qu'une journée dans l'année. Ben oui, fait que le lendemain, ben j'ai refait à souper. J'ai fait Katia me dit j'arrive à 8h. Fait que j'ai fait ben à 8h à 6h non, c'est ça. Mercredi, elle allait se faire épiler. Ouh. OK. Fait que là, elle arrivait un peu plus tard. Okay, là, c'est dit j'arrive à 8h, puis à 8h, je veux que ça soit prêt. Hey, crime, moi j'ai en fait, elle a pas dit 8h exactement, elle dit à peu près vers 8h. OK. Fait que là j'ai tout fini, il était pile à se parquer dans l'entrée. Ouais, tout était prêt. J'ai fait des sandwichs à la dinde au miel, œufs, tomate avocat. Ah, avec hey, des, ça doit être vraiment bon. Avec, mais... des, avec des petites patates. Des œufs comment? Des œufs durs? Des crevés. Crevés. Des œufs crevés. Puis le pain, c'est du pain de boulangerie coupé épais. Là. Okay. C'était super ça, bon. C'est bon. Puis le jeudi, ben, Katia a été chercher des sushis. Oh, ah, ça, c'est le fun. Hier, j'ai mangé une grosse boîte de sushis. Elle, c'était mon cadeau de Saint-Valentin pour moi. C'est le fun. Ben oui, fait que c'est ça. Ben, Saint-Valentin, c'est étalé sur trois jours avec deux repas maison et une belle boîte de sushis. C'est quel ton repas préféré, mettons? C'était-tu les croquettes, le sandwich ou les sushis? Là, les sushis, les sushis, on va chez Sushi Box, c'est genre les meilleurs sushis au monde. Là. C'est incroyable, là. C'est trop bon. Fait que faut quand même que je le donne aux sushis, mais j'étais content de manger des croquettes. On va se le dire, j'étais content de manger des croquettes. Incroyable. Toi, Guillaume, qu'est-ce que t'as fait là? Il doit rester un peu de moins de temps. Là, Ouf, mais tout fait toutes sortes d'affaires. En fait, on a fait une chose parce que ma vie est complètement débordée puis on a juste pas le temps. Je vais juste souligner le lundi. Le lundi, on avait un match d'improvisation contre la LIC, oui, dans lequel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à toute la gang de la LIC. C'était vraiment bon, pour vrai. Ça a été super le fun. Parce qu'il y a eu deux équipes qui ont affronté la LIC, une exactement. En première moitié, l'autre en deuxième moitié. La première moitié, on était sa, l'équipe de la LIPRA était sa coche. Ça a été vraiment super le fun. Puis, écoutez, je vous invite vraiment à aller les voir, la LIC. C'est juste une gang hyper funnée, punchée, puis super le fun d'avoir joué. Ils sont cool sur l'improvisoire, fait que c'est ma petite peu pour la ligue. Ils jouent à l'antibar sur Dorchester, c'est ça? Une affaire de même. T'as-tu vu qu'est-ce qui se dessine à l'anti? Non. Le 1er mars? Non. Karaoké avec Jérémy Gabriel, really? Toute la soirée. Ça, c'est risqué. C'est risqué. C'est fucking risqué. Mais quand même, c'est sûr qu'il va y avoir du monde, là. Ben oui, c'est sûr, ça va être plein. C'est un mercredi, mais je suis sûr que ça va être plein. Ouais. Mardi, ça c'était le lundi. Le mardi, pour la Saint-Valentin, réellement, on a fait un petit souper, Rosalie et moi. On s'est fait une fondue. Fondue? Chinoise avec du bouillon canton. Il est encore dans le plat parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la vaisselle. Puis ramasser rien, là. Classique Guillaume. Ouais, écoute, en tout cas. Ça, c'est notre vie, hein. Notre vie qui ne ménage personne. Même pas le ménage. Ben non, même pas le ménage. Et puis, c'est ça. C'était une fondue. C'était vraiment succulent. On a mis des cubes de tofu, bien évidemment. On avait des falafels, des boulettes de falafel. Oh. On avait du dorémi, du fromage dorémi. Ça, c'est le meilleur fromage de la vie. Le fromage qui... Tu le mets dans le bouillon fondu, puis il fond pas. Il reste dur. C'est pâte mi-ferme, mais c'est... fromage vraiment très, très bon. Je vous le conseille. Pour tout barbecue réussi ou tout fondu, ça prend du dorémi. Hey, tu sonnes comme Bouchard, là. Ouais, vraiment. Pour et tout barbecue, utilisez le dorémi. Pour tout barbecue réussi, c'est le dorémi. OK. Et il y avait aussi des patates grelots. Qu'on a mis dans la fondue. Est-ce que ça... Ça sonnait drôle. Est-ce qu'on les entendait arriver de loin? Non, pas tout. On avait des morceaux de pain aussi. Et c'est assez. C'est à peu près ça. Après on a terminé avec un petit dessert maison. On s'est fait des gâteaux fondants. Ah oui, pour vrai? Ouais. Fondant. Ouais, fondant, c'est super facile à faire. Genre avec du centre mou. Là. Ouais, centre mou puis extérieur cuit. Au chocolat? Ouais, au chocolat. Tu fais ta préparation. Tu fais ta préparation, tu la mets dans un ramequin, puis au lieu de la cuire, c'est quoi un ramequin? Un ramequin, c'est pas comme un ramequin. C'est pas la ramequin ni un ram 1500. C'est un petit plat, tu sais, les espèces de petits plats blancs qu'on avait chez maman, là, qui sont je sais exactement c'est quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, un ramequin. Et tu mets ça dedans, puis tu mets au four. C'est des petits plats pas hauts, blancs, avec de la texture autour. Ouais, exactement. Comme verticale. Des nervures, là, verticales tout le tour. C'est ça. C'est exactement ceux-là. Puis, on les a mis au four. Puis, dans le fond, au lieu de mettre comme 15-20 minutes le temps que ce soit bien cuit, ben, tu le mets 10 minutes. Puis après ça, tu le sors. Fait que le sort est mou. C'est pour ça qu'on appelle ça des mi-cuits. C'est pour ça que c'est un fondant. Fondant mi-cuit. Ah, ben, c'est cool. Puis c'était bon. C'était vraiment super bon. Nice. C'était au chocolat. Je pense que c'était juste au chocolat, en fait. Ben, ça, moi, j'avais acheté une tarte sélection fraise rhubarbe. Il y avait comme des gros morceaux de fraise, des gros morceaux de rhubarbe dans la tarte. Cool. C'est extrêmement bon. 300 calories pour un quart, pour des petites tartes. C'est quand même cochon. C'est très nourrissant. On va conclure le segment, Maxime. On va passer maintenant au deuxième segment avec l'accueil de notre invité de la semaine. Au retour de la pause. Oh, sérieux, on fait tellement de parodies de ça, c'est tellement... Trouve-toi une calotte! Bonjour à tous, je suis Kiz! Tu juste un bricolé, c'est sérieux, dans le principe. Tu sautes de la marde, tu sais, ça... Et nous allons transformer une CDI en PlayStation 4. Vous écoutez le 17 Avenue des Pins sur les ondes de puissance maximale. Oh yeah! Aujourd'hui, nous allons présenter celui qui n'a plus besoin d'être présenté, car c'est déjà son troisième passage. Sa troisième apparition au dans 17 notre émission. Avenue des Pins, quand même. C'est notre collaborateur le plus prolifique jusqu'à date. Ben, et oui. C'est nul autre que celui que vous avez vu sur la petite image que j'ai mis sur Facebook, Michael Lachance. Ben, merci, merci. Pas d'applaudissements, rien? Non, pas d'applaudissements. Ah, plus besoin d'applaudissements. Tu sais qu'on t'accueille pleinement dans nos cœurs et dans les studios du 17 Avenue des Pins. Un petit gâteau pour la troisième fois, ça aurait été apprécié. Ouais. Ah ouais, ben là, je veux dire, la troisième fois, c'est l'invité qui fournit le gâteau. Ouais, parce que on se souvient la deuxième fois, je t'avais fourni des oui, c'est vrai, puis c'était écœurant. C'était écœurant. Écœurant dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais, dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Comme un chat qui se liche. Sur okay. Cette transition là, on s'en va sur des terrains glissants. Hein? Ben oui, de la glace. Parlant de glissants, on va parler de la surface glacée, des patinoires voilà. De hockey. Et oui, parce que les gâteaux, c'est bien, mais je suis pas ici pour parler de ça, en fait. Non. Je suis ici pour parler du, évidemment, vous voyez venir, du congédiement de Michel Therrien. Je préfère dire l'embauche de Claude Julien. Hey, c'est un peu positif. Hey, j'aimerais vous faire reconstitution. Dramatique. Oui, c'est bon. De moi qui rentre dans mon char, Saint-Valentin. Qui rentre dans mon char mardi après avoir travaillé. Écoutez ça. Alors, aujourd'hui, on a appris le congédiement de Michel Therrien. Ça, c'est moi. Ah, OK, c'était le temps, là. Tant mieux, parfait. Ils vont peut-être bien mettre Kirk Muller en attendant. Je retourne au présentateur radio. Et oui, ça a vraiment été une surprise pour tous d'apprendre l'embauche de Claude Julien. Ça, c'est moi. Quoi? What? Mais je crois que t'es vraiment pas le seul à voir cette réaction. Ben non, c'est sûr que non. Hé, mon Dieu, j'ai quasiment crié au bureau. Mais David m'a écrit et dit... C'est Justin, Michel Therrien out, Claude Julien in. J'étais comme, yes! Enfin! J'étais vraiment content. C'est tout ce que tout le monde voulait. Ben oui, ils l'ont fait. Ouais, ouais. Mais là où c'est la controverse, j'ai évidemment, mis, Claude Julien. Là. J'ai peut-être mis des mots dans ta bouche. Toi, est-ce que t'es d'accord avec ce changement d'entraîneur-chef à la barre du tricolore, les notes glorieux, la sainte flanelle, tous ces... Le bleu-blanc-rouge. Bleu-blanc-rouge. D'accord, oui. Je crois que c'est le bon mot. Par contre, pour les raisons qui étaient renvoyées, moi. OK. Parce que... C'est-à-dire... Ben, à Montréal, c'est toujours été la même histoire. Avec les médias, c'est souvent les vedettes qui font tourner la roue comparativement à d'autres équipes, si on veut. Ouais, mais ben, c'est scruté à la loupe, le Canadien. C'est pas juste une équipe de hockey, c'est vraiment pas le cas des autres équipes. Du moins pas tout. Tu sais, déjà, t'es obligé d'avoir un coach qui parle français. Ouais. Qui est pas nécessairement, je veux dire, s'il est bon, il est bon, c'est là. C'est principalement pourquoi on recycle les vieux coachs qu'on a déjà eu. Moi, c'est ça qui m'a plus choqué, c'est qu'on a vu que ça a pas fait l'affaire en allant chercher un ancien coach qui a déjà coaché le Canadien, alors pourquoi faire la même chose une deuxième fois? C'est comme retourner avec un ex, tu le fais pas vraiment. Oh mon Dieu, je vais arrêter ça pour dire que le Blue Jackets vient de battre les Penguins de Pittsburgh il y a 8 jours. Oh shit, what up? Je sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, ce match-là, ils ont gagné. Mais voyons. Mais en fait, c'est pas tout à fait la même situation parce que quand Claude Julien a coaché le Canadien la première fois... Ben, c'était quand Michel Therrien a été congédié. Oui, oui, ça tout à fait. C'est la même situation. Mais ce que je veux dire, c'est pas la même situation pour Claude Julien. Parce qu'on savait que Claude Julien était beaucoup plus jeune dans sa carrière de coach. Oui, c'est clair. Puis on avait fait exactement le même discours pour Michel Therrien. Exactement, oui. Exactement. Exactement. Parce que là, on embauche Claude Julien, qui est un coach qui coach les meilleurs pour Équipe Canada. Fait que c'est un des meilleurs coachs au Canada, là. Il va aux Olympiques puis il coach le Canada. Ah ouais, puis je pense que c'est quand même un bon coach. Il y a une coupe Stanley sur son doigt, ben une bague de la Michel coupe Stanley sur son aussi, doigt. Mais tu sais, je veux dire, tu vas quand même chercher quelqu'un. Mais qui... si on reste dans l'ENA, je comprends ce que je veux dire dans le sens que dans le temps on est allé chercher Michel Therrien, on s'est dit il y a eu de l'expérience, il a gagné une coupe Stanley chez Pittsburgh. Puis là, la majorité du monde, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? on est allé chercher Claude Julien. Il a 10 ans d'expérience. Il a gagné une Coupe Stanley avec Boston. C'est la même image, sauf que c'est ans d'écart. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. On s'entend que le style des deux coachs est complètement différent. C'est absolument très vrai, mais je comprends ton discours, Michael. C'est quand même décevant que des gars qui montent dans le junior, qui font leur preuve dans les rangs universitaires, par exemple, ont très peu d'opportunités de se prouver dans la Ligue nationale. Puis une fois qu'ils sont en mesure de le faire, quand ils perdent leur emploi, ils reviennent pas au jeu. Voilà. Ils reviennent pas dans leur poste et immédiatement. Voilà. Parce que je pense à Guy Boucher présentement, ou à Jeff Blashill, que ça a été vraiment long avant qu'il se fasse rappeler. Moi, je l'avais vu, Guy Boucher. Je l'avais vu, Guy Boucher, contre Montréal. Peut-être pas. Je pense pas qu'il y ait le tempérament pour coacher Montréal. Ça aurait été un bon choc. Je pense que c'est comme oui. un traitement choc dans ta piscine quand elle est vraiment sale. T'as pas le choix. Ça aurait été le backwash nécessaire. Ouais. En plus, c'est un jeu de mots parce qu'il jouait pour les Lightning. Oui, traitement choc. Pour ma part, j'étais très très favorable à l'embauche de Claude Julien. Pour les sensiblement les mêmes arguments que toi, Maxime. Écoute, ça a été le bras droit de Mike Babcock pendant tant d'années sur la scène internationale. Ouais, puis des derniers championnats internationaux, il a coaché Price et Weber. C'est quand même pas rien. Il y a de l'expérience avec les plus gros joueurs du Canadien. C'est indéniable. Et en tout cas, moi je pense que ça peut juste fouetter l'équipe de voir un nouvel entraîneur se présenter là avec une philosophie différente que celle de Michel Therrien qui joue le dombe de puck. Ce que j'aime pas de Claude Julien, de Michel Therrien en effet, c'est que justement il y a un style qui j'ai pas l'impression qui va pousser à être les premiers à compter dans un match. C'est vrai. Ce qui fait qu'on a souvent l'impression qu'il essaye de rattraper les autres équipes au lieu de les dominer. Puis malgré tout, ils réussissent à avoir des débuts de saison où est-ce qu'ils sont premiers, genre des dernières années. Ils ont été premiers, là, le Canadien, là. C'est comme pas croyable avec les équipes qu'ils ont eues. Puis ils finissent tout le temps par tomber. Il est pas capable de garder son équipe. C'est quoi ta théorie du complot là-dessus, Michael? Je crois vraiment, comme j'ai dit au début, c'est vraiment les vedettes qui gèrent. Veux-tu savoir quand ça a commencé, la nouvelle chute qu'on vit cette année du Canadien? Sur quand le regard de Carey Price. Ouais. Le regard là quand il s'est fait sortir. Ouais, puis c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Est-ce que vous pensez que Carey Price il a slacké pour que Michel Therrien se fasse mettre dehors? Je sais pas s'il l'a fait avec ces intentions là. Je suis pas prêt à dire ça non plus. On s'entend qu'il y a genre une moyenne de buts accordés de genre 3.4 depuis Écoute, j'ai de la misère à concevoir dans ma tête qu'un athlète sous-performe volontairement, même s'il veut la démission d'un coach. Là. J'ai vraiment de la misère à concevoir ça. J'ai une autre petite opinion. Je crois pas qu'il l'a fait pour le congédiement Michel Therrien précisément, mais je crois que oui, il l'a fait un peu volontairement. Ou du moins, c'est la différence entre donner son 100% et 70%. Ouais, il a pas donné 70%. J'ai vu mon papa, Chantal, ta papa, aujourd'hui, puis lui, il disait que c'était ce qu'il avait l'impression, c'était un peu ce que les Stachny disaient à propos de Bergeron, que le problème que Michel Therrien, il demande trop de jus à ses joueurs, que c'est tout le temps des entraînements très longs en début de journée, toutes les soirs qu'ils ont des matchs, ce qui fait que les joueurs ils ont pas le temps de se reposer. Fait que rendu à mi-saison, ils sont épuisés parce qu'ils passent toute leur semaine de hockey à faire comme deux fois plus de hockey que les autres équipes. Je crois que c'est une bonne théorie. C'est quelque chose que j'ai entendu puis que je trouve qu'il fait beaucoup de sens. Michel Therrien voudrait beaucoup d'excellence de tous ses joueurs, puis ce qui se rend pas compte c'est que il faut laisser les gens souffler. Ce n'est pas la stratégie gagnante. Il faut dire aussi une chose, quand on parle à la chambre, c'est très dur. Ça c'est clair, net et précis. Je pense que c'est dur de dire Michel Therrien a perdu la chambre. Là. On n'est pas là avec eux autres. Fait que c'est dur de le déterminer. Mais effectivement, c'est indéniable de dire que il y a une baisse de régime général. Puis c'est pas. Et là, on voit les trios les changements à la télé parce qu'on a comme notre réseau spécialisé de sport. Oui, là, pour cette chronique. La première ligne, c'est rendu Pacioretty, Galchenyuk, puis Radulov. C'est logique. C'est très fort. Deuxième, il a mis Biron. Non, hey, j'ai vu Danos à la première. Ah non, ça c'était avant. C'était avant. Maintenant, deuxième ligne, c'est Biron, Plekanec, puis j'ai pas vu le troisième joueur. Puis troisième ligne, Dano, là, il manque des informations. Je pense que Desharnais n'est pas sur l'alignement. Ça se peut-tu? Oh, ça se peut. De toute façon, Desharnais, apparemment, il demanderait un échange. Ouais, ouais, très déçu, ouais, avec, Desharnais cette année. Avec le départ de Terrien, il y a beaucoup de gens qui disent dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Dans les vents du web que Michel Therrien et Desharnais avaient comme une forte connexion, puis qu'une des raisons que Desharnais se faisait beaucoup donner beaucoup de chance à Montréal, c'était à cause du coach. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je crois que c'est pas totalement faux. Desharnais en tant que tel, il y aurait pas la... Ok, excusez, deuxième trio, Biron, Plekanec, Gallagher. Troisième trio, Lekkonen, Dano et Shaw. Oui. Puis le quatrième trio, je le vois plus. Avec Flynn et Michel. Sans oublier qu'il y a... Moi ça me va là, s'il y a pas de la rose, je suis content. Ah, Jacob de la rose, what a waste. Mais dernier, je l'aurais mis au Ice Cap. Ben sans nécessairement l'envoyer dans la ligue américaine là, moi je ne pense pas qu'il y avait sa place avec l'équipe. S'il y a moyen de procéder à une transaction, même si elle est mineure, là, ça aurait été, je pense, qu'il aurait été idéal. Entre parce un 24e choix de repêchage. Ouais, pas pire. pas si mal. C'est parce que c'est pas tant contre son talent. Je pense que c'est plus au niveau de son physique puis ce qu'il peut apporter à l'équipe. Écoute, quand t'as un Gallagher, un Dano, un Biron puis un Plekanec, que c'est pas... Tu pars déjà avec un petit handicap. Ben, c'est ça. Exact. C'est pas gros. Tout à fait. Donc, le dernier en plus de ça, là. Est-ce qu'il y a un autre joueur que vous verriez, mettons, là. Ah oui, il devrait avoir un gros échange, là, cette année. Il y a Joey Subban, là, il y a Terrien. Est-ce qu'il devrait tout y aller et essayer de faire un troisième gros mouvement avant la transaction? Parce qu'on sentait, là, que Desharnais serait une monnaie d'échange. Et si vous rajouteriez un joueur comme, des joueurs qui disent qu'ils sous-performent, comme Plekanec ou Gallagher, est-ce que vous iriez échanger des joueurs jusque... Oui. Est-ce que vous iriez jusque là? Je pense que dès qu'on commence une période de changement, on en profite pour faire plusieurs changements, justement. Ça fait une période de remaniement au lieu d'en faire deux. C'est ça, c'est en plein ça. C'est totalement ça. Puis je crois que ce qui nous manque, c'est aussi un joueur explosif à l'offense. Oui, ça c'est bien vrai. Je crois pas que la défense est tant un problème que ça. Surtout avec Weber, même s'il ralentit ces derniers temps, j'ai trouvé qu'il gère beaucoup mieux la défense. Oui. Il est vraiment une coche au-dessus de beaucoup de défenseurs. Là, Weber, c'est vraiment... Il y a une raison pour laquelle il est dans le top. Il a la vision. Là. Il voit tout. Il voit tout. C'est un Avengers. Puis il reste calme aussi. Mais quel autre joueur, quel autre joueur vous verriez peut-être se faire échanger cette année s'il y avait un échange? Parce que là, on sentait qu'il y a déjà eu Terrien. Plekanec, moi, ce serait un petit peu. Je sais vraiment pas. Plekanec est dernier. Il y a un moulin. J'ai un feeling que s'il y avait un échange, ce serait peut-être comme toi, Plekanec Desharnais. C'est un gros morceau du Canadien, mais en même temps, je pense que ça montrerait vraiment une image vers le futur. Mais c'est le temps aussi, hein. Faut oublier cette notion de temps-là. Parce que quand on est trop vieux, sa monnaie d'échange va disparaître. C'est sûr, mais personnellement, je ne pense pas que ça donne une monnaie d'échange qui soit suffisante et adéquate pour procéder à une transaction majeure, là. Si t'échanges Plekanec Desharnais, c'est bien de valeur, là, mais si on veut aller chercher un joueur explosif en attaque, ce sera pas suffisant. Il va falloir augmenter la mise. Là. Je suis pas mal certain. Peut-être. Ouais. Mais ceci étant dit... Ça joue dur. Là. Il y a beaucoup moins de grosses transactions qu'il y en avait. Non, là. C'est clair. Ceci étant dit, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui sont disponibles sur le marché. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est très vrai. C'est ça le truc. Ceci étant dit, on peut aller chercher Chichou. Ouais, c'est à peu près trois fois. Par contre, il y a un point aussi. Là, tu vas le dire une quatrième fois, ceci étant dit. Mais avant ça, une cinquième. Mais avant ça, il y a des joueurs aussi. Je pense qu'il y en a deux ou trois, j'ai oublié les noms. Pardonnez-moi. Mais il y a des joueurs qui, justement, se sont blessés beaucoup, mais qui restent des très bons joueurs. Donc, c'est peut-être une bonne période d'aller les chercher avec une monnaie un peu moins grande, comme par exemple le Canadien. Donne-moi un exemple. J'aurais besoin d'un exemple. Ah, j'ai vraiment oublié le nom. C'est vraiment un blanc. C'est vraiment un blanc au même moment. Bon, ben c'est momentané. Hein? Je te laisse penser. C'est un long shot là, mais moi j'apprécierais probablement si le Canadien était capable de mettre la main sur un Andrew Ladd, même si son contrat est fucking trop gros pour la vie. J'ai l'impression qu'il est juste pas bien où est-ce qu'il est présentement. Il est pogné à Brooklyn avec les Islanders qui ben, qui vont mieux quand même ces temps-ci. Mais bon. Qui n'ont pas nécessairement la meilleure chimie du monde. Là, ouais, c'est ça. Temps, c'est ça le truc. Puis c'est, je veux dire, c'est la deuxième. C'est comme la troisième équipe de New York. Là, Ouais, ben, c'est ça, exact. Après New Jersey et les Rangers. Ceci étant dit, là, c'est là que je voulais boucler ma boucle. Oui. Boucler ma boucle. Je souhaite le plus grand des succès aux Canadiens de Montréal, une équipe qui m'a fait vibrer cette année quand même, et qui, espérons-le, sera présent lors de la danse printanière. Ouais, là, c'est impossible que les Canadiens fassent pas les séries, là. C'est très possible. Viens-tu à pareille date, ce qu'on disait l'année passée? Moi, j'avais déjà quitté le bateau à pareille date. L'année passée, là, on sentait qu'ils sont encore premiers dans leur division. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans leur division, c'est vrai, mais sont encore premiers leur division est vraiment faible. Ouais. Non, je sais que leur division est faible, mais ça reste qu'ils sont encore premiers de leur division. Oh, ouais, ils sont vraiment dans une meilleure position que l'année passée, malgré tout, même si ça va pas très bien depuis janvier. Mais... Est-ce qu'on pourrait... Ouais. Oui. Veux-tu faire ton main? Parce que moi, ça va prendre plus de temps. Ça va couper? Ouais. Okay. J'allais juste dire, mais aussi il faut pas oublier que ça va être serré d'ici les séries, puis que le Canadien est quand même assez chanceux de se retrouver dans cette division faible. Oui, c'est officiel, et la venue de Vegas vient brasser les cartes aussi dans l'équation. Oui, Guillaume, qu'allais-tu dire? Bon, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que ça vous tenterait qu'on termine là-dessus? On pourrait. J'avais prévu composer un petit poème pour mon beau Michou, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Est-ce que ça vous tendrait qu'on fasse ça ensemble? On dit chacun un vers et on forme un petit poème ensemble. Ok. Je pense que ça manque de challenge. Faut se dire que ça rime. Ben oui, c'est ça, évidemment. Un poème. Ouais, c'était pas de l'art. Mais pas un poème de style libre. Un vrai poème. Je vais commencer avec le début. Et après ça, ce sera dans le sens horaire. D'accord, donc tu seras deuxième, Guillaume. Guillaume. Michael. Oui. Allô, je suis Guillaume. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Nous sommes tous Guillaume pour ce poème. Je vais nous mettre dans l'ambiance, bien évidemment. Michou. Oh, comme je t'aime, mon chou. Comme je t'aime. Michou, je vais reprendre Michou. Ouais, je pense. Michou, regardez le même style, ça va être intéressant. Donc, Michou. Dommage que tu les étais jusqu'au bout. Michou, apparemment tu ne savais pas planter des choux sur une glace avec une gang de bouts de choux. Comme j'aimerais te réconforter dans ta tristesse, mon minou, mais je sais que là où tu es, tu as vraiment atteint le bout. Et oui, toi qui es à bout, j'aimerais te dire que tu nous as donné des parties jusqu'au bout. Et peut-être qu'un jour tu seras une espèce disparue comme le gnou, mais je t'aurai toujours dans mon cœur un petit bout. Dans le cercueil, tu espérais planter le dernier clou, mais finalement c'est toi qui fus enterré à la place de tous les autres qui sont passés. Et je serai là, au pied de ta tombe, avec des fleurs jusqu'aux genoux. Et maintenant, à la barre de ton ancienne équipe, c'est ce sacré Claude Julien, et ça, c'est fucking bien. Oui, mon Michou, on pense toi fort. On pense à toi fort. Même si on se réjouit de la venue d'un tel homme fort. Et par cette force, nous collaborerons, nous les partisans, à bâtir ce fort. Et cet hiver, lorsque j'ai été prendre un café, j'ai déroulé le rebord et derrière, j'ai vu une bague de la Coupe Stanley en or. T'as mené le train comme un champion, mon Michou. T'as donné absolument tout. On pouvait pas mieux espérer pour diriger l'équipe de la province Fleur-d'Élysée. Mais, comme à tous les coachs de Montréal auparavant, une vedette à ridiculiser. Et là, dans tous les journaux, n'arrêtons pas de parler comme quoi le Canadien tu n'as pas su diriger. Peace out, Michou. Peace out, shout out. Peace out. On voit qui les deux font des points. Non, t'étais bon. C'était cool. Ben oui, pis là, pendant qu'on parle de hockey, là, j'ai un petit jeu pour vous, un petit throwback de jeu que j'avais déjà fait. Puis là, ça va être à propos du hockey. Parfait, on fait ça tout de suite après la pause. Bonjour, vous écoutez le 17 Avenue des Pins sur Puissance Maximale! Oh que oui! Et j'ai enfin pris sur moi, je sais pas si vous vous souvenez, là, il y a à peu près 18 épisodes. Ouais! Et ça fait un bout, là. Dans le temps, là. Il y a à peu près 18 semaines, j'avais commencé un jeu qui s'appelait des titres de films pour deviner des choses. Hey, mais t'es un peu parenthèse, on est bientôt à la mi-année du 17 Avenue des Pins, là. Ça, c'est oui. L'épisode 24, si ma mémoire est bonne. Ben non, 26, il y a 52 semaines dans une année. J'ai dit, on est presque à la mi-année. Ah, ok, okay c'est ça. C'est pas le 24, la mi-année, c'est le 26. Mais c'est en ce moment, on est dans le 24. Présentement, je pense qu'on est le 24. Je suis pas mal sûr. Je pense là, que oui. Oui, on est le 24. 24. Ça fait 48... c'est 24 semaines. C'est le crime. C'est, les gars, il va falloir fêter ça bientôt. La mi-année, ça s'en vient. Je vous reviens avec ça. On ferme la parenthèse. Tu peux y aller, Maxime. Oui, tout à fait. Fait que là, nous, au début, au 17 Avenue des Pins, on avait comme des catégories de segments un peu plus précis. On essayait d'être un peu plus cadré. Puis, ben c'est ça. J'avais inventé ce jeu-là puis je veux le continuer parce que j'aimerais ça qu'on en ait plusieurs éditions. Je suis prêt. Je suis prêt. Prêt? Pour Michael qui n'est sûrement pas au courant. De... Bon, je vais pas utiliser ceux-là ici parce que j'ai pas d'exemple. Mais le principe du jeu, c'est que je dis quelque chose qui ressemble à un titre de film puis il faut deviner c'est quoi. Comme avant, j'avais fait deviner des parties du corps. Puis il y avait des titres de films qui ressemblaient comme La Grande Rupture. Puis c'était le nombril. Grande cicatrice, je pense que j'avais dit. Parce que c'est la première cicatrice quand tu te fais couper le cordon ombilical. Ouais, c'est ça. Bon, ben, aujourd'hui, je vais vous dire des trucs qui ressemblent à des titres de films. Puis il vous faut un buzzer. Guillaume, ça va être quoi ton buzzer? Moi, ça va être Michou. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est très toi, bon. Ça va être quoi moi, ton buzzer? Moi, je vais être le classique, le fameux... C'est bon. Fait que si vous entendez Michou, c'est Guillaume qui répond. Vous entendez c'est Michael. Et ils vont chacun avoir 2-3 chances d'essayer de le deviner jusqu'à temps qu'il abandonne. Très très simple. Faut deviner des noms d'équipes de hockey. Oh, c'est okay. bon ça. Super. Hey, j'ai hâte. Super. Là, ici, il y a quoi une dizaine de noms à deviner. Ça va être amusant. Êtes-vous prêts, les garçons? Parfait. Est-ce que ça va être éducatif aussi? Hey, ça va être éducatif. Vous allez en apprendre des choses. J'ai bien hâte d'apprendre des choses. Super. On va tester les buzzers avant de commencer. Guillaume. Michou. Michael. Super. Tout est beau. Commençons avec le premier titre. On commence soft. La Napolitaine originelle. Michou. Oui, Canadien de Montréal. Ben oui, comment le ça? Tricolore. Le tricolore, napolitaine, la crème glacée. C'est très simple. Je vais comptabiliser les points. Oh, que oui, monsieur. C'est super. Un point pour Guillaume. Ben. Le deuxième. Passage interdit. La porte. C'est comme le sous-titre. Le sous-titre, c'est la porte dans la série des passages interdits. Et je vais répéter. Passage interdit. La porte. Passage interdit. Vous pouvez faire des guesses aussi. Perdez pas de points si vous faites des guesses. Oui, nickel. Les Jets de Winnipeg. C'était quoi ton raisonnement derrière ça? Aucun. Ben, ce n'est pas ça non plus. Guillaume, moi, droit de réplique. Moi, passage interdit, je vais dire les Sénateurs. T'étais pas les Sénateurs non plus. Les Devils du New Jersey? Non, Guillaume, un dernier essai. Je vais dire les Rangers de New York. Non plus, c'était les Blues, parce que mes Blues ne passent plus dans la porte. Ah, tabarnache! C'était pas facile, c'était pas évident. Vraiment pas évident. Pas grave. C'est toujours 1-0 pour Guillaume. Holy. Troisième titre, Vers le Nouveau Monde. Vers le Nouveau Monde. Nous rappelons... Michou! Oui? Les Devils du New Jersey. Non, ce n'est pas les Devils. Oh, shit. Je rappelle à nos auditeurs que nous cherchons des noms d'équipes de hockey. Le titre, en ce moment, c'est des titres qui ressemblent à des titres de films. Ça représente des noms d'équipes de hockey. Et là, le titre, c'est Vers le Nouveau Monde. As-tu une réponse pour nous, Michael? J'irai avec les Jets de Winnipeg. Parce qu'avec un jet, on peut visiter de nouveaux mondes. C'est un très bon raisonnement, mais ce n'est pas la bonne réponse. Dommage. Je vais vous donner la réponse si vous ne l'aurez pas. C'est le Drakkar de Bécomo. Oh, mange la marde. Ok, on peut quitter la Ligue nationale. C'est des noms d'équipe de hockey. J'ai jamais dit que c'était des noms d'équipe de la Ligue nationale. J'ai failli dire les Islanders de New York, vu qu'ils sont prévus pour déménager bientôt. Les Islanders de New York? Oui, vu qu'ils vont probablement déménager. D'amphithéâtre. Oui. C'est ça. C'est quand même un nouveau monde. Là. Ben oui, tout à fait. Mais peut-être qu'on sera amassé à Hartford, selon les rumeurs. Qui sait? Oh, on ne sait pas. Donc, c'était ma première balle courbe de ce jeu. Je suis très content de vous avoir eu. T'es pas fin. J'avais hâte. Quatrième titre, le déménagement immobile. Michou. Oui. Les Coyotes de l'Arizona. Eh oui, tout à fait. Ouais, ils sont passés de Phoenix à l'Arizona, mais ils ont pas changé de. Ils ont même pas changé d'amphithéâtre. En tout cas, apparemment, ils devraient changer d'amphithéâtre, mais toujours en Arizona. Fait que c'est un déménagement immobile. C'est vraiment immobile. Ils changent pas d'état. Eh, hey, très bon, vous avez lu, vous avez pensé. C'est maintenant 2-0 pour Guillaume. Oui, oui, je sais. Il va falloir travailler. Ah, je travaille. J'ai la misère à buzzer vite. Sais-tu pourquoi? Parce que j'oublie mon buzzer. Ouais. Michou! Puis là, je suis comme. Non, c'est pas ça, mais c'est si vrai. Fais, si tu fais ça, le doigt, ça va directement aller. C'est ça le problème. Fait que c'est là, lui son buzzer. Ça prend plus de temps. Cinquième titre, les gars. Soyez attentifs, ça va aller vite. Moby Dick 1972. Michou. Oui. Les Whalers de Hartford. Ah, ça, c'était facile, hein. C'est dans Moby Dick, il y a une baleine. Les Whalers, ils chassent la baleine. Moby Dick, on chasse la baleine. C'est, Vous êtes deux frères, vous pensez pareil. Ça, c'est vrai, par contre. C'est très 3-0, est-ce qu'on laisse une chance à Mickaël de répondre en premier? Je vais répondre en premier. Prochaine question, tu auras la première doigt de réponse. C'est bon? Oui. Bon, on va essayer d'équilibrer un peu ça. La prochaine titre, c'est La guerre chanceuse. La guerre chanceuse. Est-ce que t'aurais déjà répondu, Guillaume? Ah, je sais, oui. Ah oui, et comme le sait. Oh mon Dieu. La pression sur toi, Mickaël, là, c'est maintenant 3-0. Et c'est bon, peut-être 4-0. Eh bon. Hey, ben merci. La guerre chanceuse. La guerre chanceuse. Toi, t'imaginerais quel genre de film pendant que Mickaël... La guerre chanceuse. C'est une bonne question. J'imaginerais un film un petit peu sur la guerre... Voyons, tu sais, quand que la guerre d'indépendance des États-Unis contre la Grande-Bretagne, tu sais, quand la France est venue prêter main forte aux États-Unis. Ah, ben oui, ça pourrait être un film historique. Ben, il a été quand même chanceux. Ou la bataille des plaines. Ou la bataille des plaines. Ouais, ça pourrait être ça. Un truc de même. Ouais, peut-être Varsovie, un truc peut-être. Ouais. En tout cas, bon, Mickaël, as-tu un choix de réponse? Parce que là. Je veux dire l'avalanche du Colorado. Et non, c'était pas l'équipe que nous cherchons. Bien évidemment, les Golden Knights de Las Vegas. Les Golden Knights de Las Vegas, ben c'est des Knights, c'est des guerriers. Mais voici, je ne savais même pas le titre de l'équipe. Ils vont être à Las Vegas, donc c'est chanceux. Les Golden Knights. Je pensais pas que. Ah, mais même si sans Golden, c'est les Knights, ça reste des guerriers. Hein. Les chevaliers. Ouais. C'est une sorte de guerrier. Je pense que guerrier, c'est assez global. On peut voir ça. Moi, je donnerais une étoile à Mickaël. On verra en régie ce que ça donne une étoile, là, mais donne-y une étoile. Ouais, c'est bon ça. Ok, ben, il connaissait pas le nom. Ouais, donc maintenant, c'est 5-4 pour Mickaël parce qu'il y a 5 côtés à une étoile. On dit 4 dans la réponse. Crime, mon Dieu, ça se resserre. prochain titre de film, Le fantôme d'un pays. Michou? Oui. Les Nordiques de Québec. Eh ben oui, c'est exactement le titre que je cherchais. J'aurais pas pensé que ça doit être d'actualité, mais disons, vous êtes juste des vieilles. Ben non, mais il y a eu les... Les Dracars, les Coyotes. Ben oui, les Golden Knights, c'est full d'actualité. Voyons donc. Vieille équipe. Ben oui, le fantôme d'un pays, parce que le Québec est un pays, ben puis que... les Nordiques, on en parle encore. Ils hantent la ville de Québec. Avec la Nordic Nation. J'ai ma pelle. N-A-S-H-E-U-N. Fait qu'à date, comment tu peux trouver mes titres de films? Poussé. Je trouve ça bien. C'est un défi qu'il faut relever. Il faut le relever. Relever ce défi. Comme de la sauce piquante, c'est relevé. Ok, oui. Prochain titre de film, Petit pot de miel pour Mère Grand. Je me suis inspiré du petit chaperon rouge. C'est une réplique que j'adore beaucoup. Je sais pas. Michou? Oui. Wild Minnesota? Non, c'était non, pas ça. Shit. Un bel essai. Bel essai par contre. Nickel. Les Devils du Jersey? Parce que. Et ça représente le grand méchant. Mère Grand. Ouais, mais il y a un méchant dans Chaperon Rouge. Ben oui, mais c'est un petit pot de miel qu'on amène à la grand-maman. Je sais pas. Ok, ben c'est pas grave, c'est un essai. C'est comme un autre, les garçons. Voulez-vous tenter de réponse? Michou. Oui. Les Jets de Winnipeg. Non, ce n'est pas ça. Non. Mon raisonnement, c'était que Winnipeg vient de Winnie l'ourson. Winnie l'ourson vient de Winnipeg, du miel, Winnie l'ourson. C'est quand même... J'aime la façon que tu penses. C'est pas ça, mon lien. Mon lien est vraiment plus nono que ça. Là. Il est vraiment là, premier degré. Ouais? Ouais. Répète l'indice. Le titre, c'est Un petit pot de miel pour Mère Grand. Ah, pour dire une réponse au hasard, je vais dire les pingouins de Pittsburgh. Et non plus, c'était les Bruins de Boston parce qu'il y a un ourson. Ah, des oursons. Ah. C'est des oursons. Hey, mais c'est un loup qui dévore le petit chaperon rouge. Ben oui, mais c'est qu'est-ce qui mange du miel? Ah, t'es poche. Tu mélanges les contes. Mais non, mais moi je parle du miel, là. Ouais, mais c'est le conte du petit chaperon rouge. Oui, mais c'était pour vous. Tu nous as mené sur une balle courbe. Ah, c'est bon. C'est ça le problème. Ok, bon, il se fera plus pas. Plus de balle courbe que de balle normale. Moi je pense qu'il se fera pas. C'est une balle glissante, okay. Je dirais. Ah, mais on. Parlant d'effet de balle, on va passer avec la papillon. Je vous rappelle que c'est toujours 5 à étoile, donc 5 à 5 pour nos deux compétiteurs. Le pas eu point, c'est 5 à 4. Hein? 5 à 4, Non, mais il y a eu les points pour les Nordiques. Ah oui, c'est tout à fait. Donc c'est rendu 5 à 5. Un fantôme, ouais. Donc le prochain titre, c'est pas le YMCA, mais presque. il y aura pas de points qui va se distribuer sur cette. Oui? Les Rangers de New York? Non, mais pourquoi? J'aime bien l'entendre parce que sinon on va faire une blague de 2 minutes. Je sais pas, je suis en train d'essayer de trouver là. Les abréviations de New York, NY. Ah, ben c'est vrai, NY, YM, ouais, c'est pas si pire. On allait là-dessus puis je voulais répondre vite. C'est bon. Je vais dire les Kings de Los Angeles. Non, ce n'est pas ça. Les Blackhawks de Chicago. Non. Il y en a dit. C'est quoi le rapport avec le YMCA? Ben, dans YMCA, il y a un indien. Le YMCA. Il est où l'indien? Il y a un personnage. Tu connais pas YMCA? La vidéo clip. Il y a 4 personnages, puis il y en a un, c'est un indien. Peut-être, je ne sais plus. Je te jure. Ben, à base de YMCA. Il y a un policier, un pompier, un indien. Ah, ok. Ben, peut-être, à base de YMCA. Mais c'est un bon lien. Mais c'est vrai que je suis moins calé en vidéo clip. Tu devrais m'en donner tellement que t'es pas calé. Non, je vais pas donner d'étoiles là-dessus. Je voudrais pas que ça tombe 10 à 5. Guillaume, t'as-tu le dernier choix? Je vais dire les Hurricanes de la Caroline. Non, c'était le CBIO de la Côte-de-Beaupré. Aïe, c'est un enfant de... de malissante que de... Sérieusement, c'est ouais. Une équipe mineure. Le CBIO, tabarnak. Hey, c'est même pas le CBIO, c'est les aigles de CBIO. Ben, les aigles de CBIO, whatever, là. C'est drôle, hein, les gars, vous avez du plaisir. Ah, moi, j'ai pas ri pantoute, mais c'est pas grave. Bon, pas grave, je trouve ça drôle pareil. Ouais. On a du plaisir. Bon, ok, une autre équipe, là, c'est comme la Super Papillon. Hey, vous voyez que je manquais un peu d'inspiration en fin, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir. Bon. La guerre des étoiles 4, un nouvel espoir. Nouvel espoir? J'espère qu'il faut pas vraiment connaître Star Wars. Ben là c'est un vrai type de film. Espoir. C'est du moment que tu connais Star Wars, tu pourrais le deviner, mais faut connaître cette équipe là aussi là. Un nouvel espoir. Michou? Oui. Je veux dire les mini nordiques du tournoi Pee-Wee. Hey, c'est tellement bien pensé, mais c'est pas ça. Ah, oh, fuck you. C'est beau. Non mais c'est beau! C'est beau, j'aime comment tu penses. Mais un nouvel espoir, c'est le vrai sous-titre de Star Wars. Ah, 4. Shit, je pense que j'allais. Oui. Le Toronto Maple Leafs? Non, ce n'est pas ça. Guillaume? Michou, les Ice Caps de Saint John? Non. Pourquoi? Espoir des espoirs. Ah, ben, crime! Mon dieu, je devrais te donner plein de points parce que c'est vraiment des beaux liens. Hein. Edmonton Oilers? Parce que. Ouais, ils ont plein de jeunes. Hey, vous êtes vraiment plus calé en Ligue nationale que moi. Voulez-vous savoir c'est quoi la réponse? T'es mieux de pas me sortir une mosus de niaiserie. On va passer à la prochaine. C'est l'étoile noire de Strasbourg, une équipe européenne. Mais t'aurais pu dire les Mighty Ducks, genre, pis ça aurait été plus logique. Hey, l'étoile noire, c'est l'arme principale dans Star Wars. C'est vrai. Au moins, ça me rassure, j'avais pas de points dans un quiz qui fait aucun sens. Mon dieu, là, il y avait juste comme deux équipes qui faisaient aucun sens, puis une que vous saviez pas encore, qu'il y avait pas encore des équipes de juste vrai. À LNH. C'est vrai. Ça fait deux là, de suite, là, mais je veux dire, c'est comme les deux seuls qui avaient vraiment pas rapport, qu'il pouvait pas avoir. Non, fait il y en là, un autre. Ça se termine avec le dernier. Oui. Pour la victoire. Fait que si jamais vous l'avez pas après la première ronde, je vais essayer de donner des indices. Parce que là, il faut déterminer un vainqueur, parce que c'est 5 à 5. Mais on n'a pas le choix, là. Ah ouais, ben oui. C'est 5 à 5 avec aucune bonne réponse de Michael. Je tiens à le soutenir. Il y a une étoile, c'est important, l'étoile. Avoir le quiz, ça me dérange pas. Mais est-ce qu'elle est noire ou non? Non, celle-là, c'est non, c'est vert. J'ai écrit sur un comme du faux papier. Ouais, mais là, c'est comme maillot parté. Vous pouvez voir, parce que vous allez voir la réponse. J'espère que tu as pas vu la réponse. J'ai bouger vraiment vite, non, c'est impossible. Ouais, tu bouges vraiment vite. Okay, t'as des mouvements rapides. Mais c'est comme un moyen parti, la prochaine étoile va être une mauvaise étoile. Ben, peut-être que le prochain point, c'est moins 1, on le sait pas. Ben, hein. Peut-être. OK, le dernier titre, c'est l'unique muraille. L'unique muraille. Oh, shit. On se visualise la muraille. Ouais, je visualise la muraille. Et les deux compétiteurs sont serrés, veulent absolument. Oui. Les Remparts de Québec. C'est une victoire. Oh non! Yeah! Oh non! Well played! C'est donc. Le résultat est donc de étoile 1 à 5 pour Michael. Oh mon t'a dit. C'est la deux fois qu'on joue, c'est la deux fois que je perds. Ben bon, faut-tu un meilleur. Première fois sur un kit ou double, puis deuxième fois sur une étoile. Donc, c'est le jeu. Donc, je vais juste passer en rafale pour ceux que ça pourrait intéresser, les noms de titres et les équipes, parce qu'on l'a dit puis on riait un peu fort. Je vais aller passer vite, parce que je pense qu'on a le temps. As-tu le temps encore pour la chronique? Ah, oh, en masse. Super. Donc, les titres et les équipes étaient la Napolitaine originale, le Canadien, parce que le tricolore, Napolitaine, la crème nationale Napolitaine, trois couleurs. Passage interdit, la porte, les blues de Saint-Louis, parce que mes blues ne passent plus dans la porte, comme la chanson le dit. Ouais, si ben bien. Ouais, ben ouais. Ça aussi, ça c'était dans les évidents, là, qu'on n'a pas trouvé, ouais. Vers le Nouveau Monde, le Drakkar de Baie-Comeau. C'est Baie-Comeau, ouais, le Drakkar de Baie-Comeau. Tout à fait. Mais veux-tu m'expliquer ton lien entre le Drakkar de Baie-Comeau et Vers le Nouveau Monde? Ben, parce que les Vikings. Ouais. Sont les premiers à être venus jusqu'en Amérique. Le Nouveau Monde. Ah! À bord de Drakkar, qui était le bord de leur bateau. Ok, c'est beau. Le déménagement immobile, les Coyotes qui sont passés de Phoenix à l'Arizona sans changer d'amphithéâtre, oui. Même Moby Dick 1972, les Whalers de Hartford, oui. Parce que Moby Dick il chasse la baleine, les Whalers c'est des chasseurs de baleines, oui. C'est exactement ça que ça veut dire. La guerre chanceuse, les Golden Knights de Vegas, parce que c'est des guerriers, des chevaliers, des combattants à Vegas, une ville où est-ce que la chance règne puisqu'il y a plein de casinos. Le fantôme d'un pays, les Nordiques, parce que vrai fantôme pour la nation du Québec. Un petit pot de miel pour Mère Grand, les Bruins de Boston, parce que les oursons ça mange du miel, puis l'ourson est associé avec les Bruins. Ouais. Pas YMCA, mais presque le CBIO, les aigles de CBIO, donc une équipe mineure dans la grande région de Québec. La guerre des étoiles, un nouvel espoir, donc Star Wars 4, A New Hope, l'étoile noire de Strasbourg, une équipe européenne qui est vraiment pas très forte, elle est comme en deuxième ligue, et l'unique muraille qui sont les seuls et l'unique rempart de Québec, parce que c'est la seule ville fortifiée en Amérique du Nord. Donc voilà, c'était toutes les titres qui font penser à d'autres choses qui ressemblent à des titres de films. La prochaine fois, je vais essayer de passer à un autre sujet. Si vous avez aimé la deuxième édition du jeu. J'ai détesté. Ça a glissé une couple de profond, fois, mais c'est pas. Ah ouais, si vous aviez à en faire un titre, vous feriez quoi, vous autres? Vous feriez quoi? Hein? Moi, je dirais les... Ok, on va t'en faire un. Je t'en fais un, mais facile. J'en fais un là. Okay. Facile, parce que je suis pas cruel autant que toi. Les chats de neige. Les chats de neige? Ouais. Les avalanches du Colorado? Non, droit de réplique à Guillaume. Les chats de neige? Ouais, on sait toujours dans le hockey. Là. Les Panthers de la Floride. Et t'étais pas loin maintenant. C'était les Prédateurs de Nashville. Ah, ben oui, le tigre à dents de sabre. Ah, ben oui. Ok. Je voulais en faire un. Comment je dirais Nashville, c'est dans la neige, me semble. Non, mais c'est le logo. Les tigres à dents de sabre, c'est. Ben, y a pas de neige dans leur logo. Les tigres à dents de sable, ils vivaient où, Maxime? Ah, ils vivaient à l'air de glace. Oui, à l'air de glace. Ah, ok, je comprends. C'est bon. Je vais dire un titre anglais. Ok. Mais tu pourras le traduire si tu veux. Ce serait The Lost Odd One Out. The Lost Odd One Out. Oui. Le perdu singulier. Ouais, le pas rapport perdu. Le pas rapport perdu. Ouais, Odd One Out, c'est le différent. Les As de Québec? Non. Red Wings de Détroit? Non. Parce que, tu sais, ils ont comme changé de l'Est à l'Ouest. Ah, ouais, c'est vrai. Ils sont comme singuliers. Canucks Vancouver? Non. Ah, y a-tu... Ah, je vais vous le donner, vous ne trouverez jamais. C'était les Maniacs de Lewiston. En effet. Ils n'existent plus, mais qui étaient la seule équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec aux États-Unis. Ah, ok. Ok, ça c'est pour les étoiles noires de Strasbourg. C'est exactement j'en, ça. J'en ai un dernier pour vous. Ok. Les aigles ou les faucons, si vous préférez, de la un mer. Un faucon? Comment? Les aigles de la mer. Les aigles de la mer? Ouais, mer comme... Ok, les aigles de la mer comme dans l'eau. Water Eagles de la Nouvelle-Angleterre. Non, c'était les Seahawks. Ah, les Seahawks, mais c'est au football. Ouais, c'est pas une équipe de hockey. Non, mais c'était ça la pomme. Bon, ok. Ok, on va faire une petite courte pause pour un dernier segment. Rapide, rapide. Bonjour, vous écoutez le 17 Avenue des Pins sur les ondes de puissance maximale. Ouais, Max, fallait que je te parle. Toi, t'es allé à Silence on joue, hein? Ben oui, avant qu'on commence le podcast, quelques mois avant, j'ai été à la télé. Ben, j'étais enregistré une émission de télé qui a commencé à passer pendant qu'on le podcast. En tout cas, on n'a pas de temps pour ça, les détails, mais oui, j'ai été jouer à Silence on joue. Ça a été vraiment de la merde pendant une semaine, j'arrêtais pas d'avoir du monde qui m'écrivait pour me dire « Hey, c'est ton frère! » Puis envoyer des photos de toi avec un coussin dans les mains, là, avec une face sur le coussin. Ben là, ça pourrait être pire, là. Oh, mais c'est tannant, là. T'as pas ça de faire parler de ton frère? Non. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, je veux savoir, c'est quoi, ouais. Tu dirais, les plus grandes différences entre ce qu'on voit à la TV pis ce que tu vis sur le plateau? Ben, ce que vous voyez à la télé, de ce que j'ai remarqué, là, ça dure à peu près, en enlevant les annonces, là, ça dure à peu près 20 minutes. Oh, hein, ouais, pour, à peu près. L'enregistrement d'une émission, c'est à peu près une heure. Ah, oh, ouais? Fait que là, pendant l'émission, là, vous voyez pas, tu sais, on se fait placer, on se fait expliquer, on se fait réexpliquer les règles, les invités se font passer un peu de maquillage, puis là, ils vont changer les chips pis les chocolats sur la table, ils vont nous mettre de l'eau pis ci pis ça. Pis personne n'en prend. Ah non, mais tu es en train de dire que t'as mangé du chocolat? Ben oui, j'avais des M&M gratuits. C'est cool. Pis, ben c'est ça. Pis là, t'arrives dans l'émission, t'as Patrice Cui qui est là, il y a une blague. Premier jeu! T'es comme, mais voyons, il y a eu genre 15 minutes entre le temps qu'on s'est assis pis qu'on a fait le premier jeu dans l'enregistrement. Mais dans la télé, c'est genre 30 secondes. Parce que, ben, normalement, ça parle pis ça... Il y a un petit peu plus de parlage. Il coupe vraiment à beaucoup de place, mais pis là, ça va vraiment choix, vite. Ben non, ils ont pas le choix, faut qu'ils rentrent dans leur créneau, là. Ouais, c'est un peu ce que j'entendais dire à propos de Tout le monde en parle, par exemple, que l'enregistrement, si tu t'en vas à Tout le monde en parle, ça dure des heures et des heures, pis à la télé, ça dure une heure, point. Ouais, non, c'est ça. Non, pas une heure, c'est un peu plus long, là. Ouais, mais c'est genre, pour vrai, je pense que c'est entre 5 et 8 heures d'enregistrement. Ouais, exactement. Puis tu l'écoutes à la télé, puis je sais pas, ça dure combien de temps exactement, Tout le monde en parle. Je pense que c'est plus qu'une heure. En tout cas, je sais pas exactement. En tout cas, vous nous direz dans les commentaires. Ouais, vous connaissez pas. Mais c'est très court, c'est très condensé. C'est ça la différence. Okay. Mais vous avez autant de plaisir. Oui, autant de plaisir. Mais tu sais, juste pour te donner un exemple, là, pour terminer ce point-là. Oui. Mettons, on finit le jeu. Là, c'est Patrice Écuyer dit on va à pause. Puis là, tu reviens, les autres sont déjà prêts à jouer. Oui. Mais nous autres, il a fallu qu'on s'assoie, qu'on baisse le bruit. Les autres montent, viennent sur le stage. Fait que là, c'est ça, c'est tout des trucs que vous voyez pas, mais tu sais, c'est comme tac, tac, tac. Dans okay. le montage, c'est tight. C'est bien. Ouais. Une autre petite question pour toi. Oui. Je sais pas si on a le temps. On a... Ben oui. Oh, ouais. On défonce. On défonce. C'est l'année. Mais... Prêt. Yes. Mais pour vrai. Patrice Écuyer, en tant que tel, es-tu un fake man? C'est un ben, c'est pas vraiment un fake man, mais tu sais, sur le studio, c'est le seul. Parce qu'il y en a des fake man. Je pense qu'Éric Sarraille, ça peut être un fake man. Ouais, ben sûrement, mais lui, il travaille plus avec d'autres artistes. Ouais. Tu sais, Patrice Écuyer, ouais, il travaille... avec le public. La plupart de ses émissions, c'est avec le public. Fait que tu sais, il est mieux d'être bon, là. Ça fait quand même un bout qui est là. Mais je veux dire, il est-tu pareil off-camera que on? Oui, il est assez généreux de son temps, mais faut pas oublier que c'est le seul qui est comme vraiment en train de travailler sur le studio. Oui, là. C'est vrai. Tu sais, il y a les caméramans puis God Full, mais les autres invités, là, ils se font donner un cachet pour jouer à des jeux. Ben puis, ouais. Ceux qui, puis nous autres qui va là, ben on essaie de gagner de l'argent pour jouer à des jeux. Ouais, Patrice Écuyer, c'est le seul qui est là. Si lui il fait pas bien sa job, l'émission ne marchera pas. Il l'anime. Il peut perdre sa job à la limite. Ouais, c'est ça. Moi je voulais juste savoir s'il est autant chaleureux. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Une fois que la caméra est éteinte, ils sont pas parlables. Non, il sait se présenter au monde. Il est très, très gentil. Mais tu sais, okay. Il est pas nécessairement aussi gentil que les autres invités parce que les autres invités, eux, sont là pour Pour faire ça, ouais. Pour faire ça, parce que lui, il faut quand même qu'il pense, c'est lui qui anime, c'est lui qui dit c'est quel jeu qu'on va jouer, puis tout. Fait que. C'est un peu plus. Parce que je le trouvais très bon dans son rôle, puis je le trouvais aussi assez drôle. Ouais, non, ce gars drôle, je pense qu'il a fait de l'impro. Mais en même temps, il a de l'expérience aussi, Patrice. Ah oui, il a énorme expérience. Ça fait genre 15-20 ans qu'il fait ça. Oui, c'est clair que. Tu sais, tu vois qu'il y en a derrière la cravate, puis il est capable de livrer ce qu'il connaît. Il est dans son domaine. C'est ça. Ça fait 15-20 ans que tu fais genre d'anime les mêmes styles d'émission, puis t'es pas bon. Tu seras pas 15-20 ans. Tu seras pas en caméra. Question here. For the people. Pour listening at home, pour les gens qui nous écoutent à la maison, Silence on joue, ça consiste à quoi? C'est une émission avec des jeux, c'est un peu comme un Cranium, mais à télé avec des vedettes. Ok, on peut-tu faire, admettons, un petit exemple de jeu entre nous autres, là, court-court? Un jeu court-court, c'est pas long. Il y a beaucoup d'accessoires. Tu sais que t'écoutais ça tous les jours. Moi j'écoute ça tous les jours. Au pire, tu couperas ça au montage, le temps que j'y pense. Il y a un jeu où est-ce qu'il y a une machine à popcorn qui tourne, puis si t'as pas la bonne réponse, t'as deux choix, à pitch popcorn dans la face. Ok? Fait que là, mettons là ici, j'ai des sous-verres de Liège, ok? Ok. Fait que là, je vais dire, Guillaume, vrai ou faux, est-ce que la langue est le muscle le plus fort du corps humain? C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est la mâchoire. Non, c'est une bonne réponse. C'est faux parce que la langue, c'est pas un muscle, c'est un organe. Oh shit, j'aurais même pas dit ça. Ok, Michael. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, YouTube ou Facebook? Je dirais Facebook. Tiens, là, vous l'avez pas vu, mais il a reçu un sous-verre d'en face. C'est YouTube qui est arrivé en premier. En 2005. Ouais, en 2005, Facebook en 2006. Ah. Ouais. Fait que, c'est ça, c'est un exemple de jeu. Ah, là, après ça, en fonction du nombre de réponses, ça donne des points. En fonction du nombre de points, tu peux aller en finale puis gagner de l'argent. Toi, est-ce que t'as reçu du popcorn dans la face, mettons? Non, j'ai juste eu des bonnes réponses. Aïe, t'es fort! C'est vrai, T'es fort! Mais en plus, la machine, elle est un peu moyen, là. À sort que l'émission est terminée puis tout, là. À sort que l'émission est terminée puis tout, tu peux nous dire qu'est-ce que t'as remporté en allant. Oui, j'ai remporté 1800$. 1800$! C'est bien! Merci beaucoup, c'est très bien. Pour la Ligue d'impro, que vous pouvez aller voir tous les lundis à 19h30, pour qu'on puisse se payer un permis d'alcool, des chandails, un ordinateur avec nos propres musiques dedans, puis des affaires de même. Est-ce que tu recommandes l'expérience, Maxime, en tant que participant, mais également en tant que public dans un enregistrement comme celui-là? C'est très très cool, c'est très le fun, c'est vraiment un gros thrill. Moi, après la première émission, j'avais vraiment de l'adrénaline dans le piton, genre je reconnaissais plus les gens autour de moi, là, j'étais comme... tout perdu là. Adrénaline là. C'était fou braque. Le seul truc qui est dommage, c'est que tous les enregistrements de jeu, ça se fait à Montréal. Fait que pour nous, petits gens de Québec, c'est des déplacements, mais être à Montréal, j'irais faire plus d'auditions, c'est sûr, parce que j'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est vraiment chouette. Ça, quand est-ce qu'on peut écouter ça, Silence on joue? C'est tous les jours, du lundi au vendredi, à 17h30 sur Radio-Canada. Radio-Canada? Bon, on vous invite on va mettre le lien là, sur la page Facebook, hein, Maxime? Ben, merci. On va faire un petit jeu avec vous autres. À chaque fois que Maxime oublie de mettre un lien sur la page Facebook 17 Avenue des Pins, prenez un shooter, hein? Vous allez voir, vous allez venir bien sous. Bon, pendant qu'on finit avec nos traditions, je prends en note qu'il faut que je mette ça sur la page de 17 Amis des Pins, puis je t'invite à lire la petite carte que j'ai faite à Mickaël. Ah, excellent, je vais lire ça. Vite, tu me la passes. Oui, merci. On est loin. Merci. C'est comme tout le monde. Je lis ça. Michou. Oh, c'est pas la bonne, Maxime, donne-moi là. Ah, excuse-moi. J'avais celle-là au cas où qu'on invite Michel Therrien à l'émission. Ouais, exactement. Mais ça, il a pas voulu, donc vous êtes. Ça commence pareil. Michou. Il s'appelle Mickaël, hein. Ouais, c'est ça, exact. Michou. Comme ta chevelure est très douce. Je sais, ça rime pas, mais écoute, c'est le mieux que je pouvais faire. Michou, j'aime bien ça être en ta compagnie, enregistré avec toi, puis j'espère que tu reviendras encore, parce que ta présence sur le studio est plus qu'appréciée, et les gens à la maison ne font que t'aimer. Merci, Mickaël, ta présence ça, ça fait chaud au cœur. On est vraiment vous l'entendez pas au micro, mais mon cœur bat très plus vite. J'ai même vu ça. Je vais te la remettre, la carte. Tu peux la garder? Tu peux la garder. Tu vas pouvoir l'accrocher avec tes cadres chez vous. Ouais, à côté de mes cadres. À côté de tes cadres. C'est ce qui conclut donc l'épisode 17. Un autre, 24e, les gentlemen. C'est cool. Malgré tout ce qui se passe dans nos vies, on a le temps d'enregistrer un podcast. Oui, on est foot, babe. Okay. On vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. Une belle fin de journée. Dépendamment quand vous nous écoutez à la maison, dans la voiture, n'importe où. Bon matin, bonne nuit, n'importe quand. Quoi? Tu fais ce que tu veux. Tu peux nous écouter sur RZO, sur Puissance Maximale, ou sur toutes les plateformes sur lesquelles le podcast est disponible. Et aussi en live si vous allez cogner chez Guillaume. Exactement. Tu peux venir chez nous pour enregistrer aussi. Écoute-nous. Anytime. Tu peux venir enregistrer avec nous autres aussi. Viens enregistrer avec nous, puis on relance un appel pour le Sambuca flambé. Si t'as de la Sambuca, invite-nous chez vous. On va venir enregistrer avec toi au 17 Avenue des Pins. Hey, bonne semaine, ciao, guys. Bonne semaine, à bientôt. Le 17 Avenue des Pins est une production Puissance Maximale et RZO. Une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.